Message de vie donné à comprendre. Bonjour à vous, aventuriers et aventurières de l'esprit. Si vous êtes sur un quai, dans l'attente d'un prochain départ, je vous invite à monter à bord, à prendre votre part et à nous ouvrir de nouveaux passages aux confins du soi. Le voyage intérieur, c'est une série d'émissions présentées par Message de vie MES Plus Loin Sage, produite par Richard Federman. Nous traversons des épreuves difficiles et nous ne trouvons pas toujours une oreille pour nous comprendre. Je me suis amusé à vivre une expérience un soir de printemps. Rejoindre un cercle d'individus venant d'horizons différents. Un espace ouvert et gratuit, une sorte de pharmacie vivante, de théâtre, une petite école de la vie. Dans cette maison de santé communautaire, chaque personne est venue exposer son problème du moment. Par exemple, mon fils se drogue, mon employeur me dévalorise. Demain, je serai à la rue si on me met à la porte. Qui de vous a déjà vécu quelque chose de semblable? Et qu'avez-vous fait pour vous en sortir? Voilà les questions qui nous ont été posées à cette soirée de partage. J'ai pu constater que ce travail de groupe peut nous aider à remonter la pente, à découvrir ses valeurs, ses potentialités pour devenir plus autonome face à nos épreuves du quotidien. Ce projet a vu le jour, il y a 23 ans, avec le psychiatre théologien anthropologue Adalberto Barreto dans les favelas du Brésil. Je vous invite à vous rapprocher du cercle de parole et du voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES Plus Loin Sage, pour en faire vous-même l'expérience. Le collectif soutient l'individu. C'est l'individu qui élève le collectif en partageant ce que vous êtes. Mon premier univers, c'était un univers magique ou religieux. Donc je suis né dans une ville au nord-est du Brésil, qui est un centre de pèlerinage, qui reçoit environ 2 millions de pèlerins par an. Je vivais dans cette ville, où mon grand-père avait un petit hôtel, donc j'entendais les pèlerins qui racontaient les miracles. Et moi j'étais fasciné de voir que tous ces misérables, tous ces gens en difficulté, qui venaient demander à Saint-François ce qu'ils ne recevaient pas des institutions sociales. Et j'ai voulu être prêtre, donc c'était mon premier univers. Je voulais être comme Saint-François pour aider ces gens. Plus tard, je rentrais dans mon deuxième univers, qui est maintenant scientifique. C'était la faculté de médecine, l'université. J'étais fasciné aussi par cette vision scientifique des choses. Et j'ai découvert que ces âmes que je voulais sauver, elles avaient un corps et des corps étaient abandonnés par les politiques publiques, etc. Donc ça m'a... Et vers la troisième année de médecine, donc je faisais la philosophie la nuit, dans la journée la médecine, j'ai vécu une crise existentielle, que j'avais l'impression, le sentiment, que pour devenir scientifique, pour devenir docteur, il fallait renier ma culture et mon identité, qui a été objet d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle « L'Indien qui est en moi », qui a été publié ici en France. J'ai vu alors que ces deux univers apparemment contradictoires, le magique religieux et le scientifique, tous les deux fonctionnaient de la même façon, ils excluaient le différent. Dans ce monde religieux, magique religieux, ceux qui n'étaient pas catholiques, apostoliques, romains, c'était chose du diable à éviter. Mais aussi dans le monde académique, ceux qui ne venaient pas de richesses universitaires, c'était du charlatanisme, c'était pas sérieux. Donc j'avais le sentiment qu'on voulait ces deux univers, soit religieux, soit académique, voulaient la mort de l'Indien qui m'habitait. Et dans ce conflit existentiel que j'ai vécu, je disais, mais qu'est-ce que reste d'un homme si on enlève de lui ses valeurs, ses croyances? Il est quoi? Il va faire quoi? C'est ton histoire. Tu es perdu dans la forêt du savoir scientifique. Et la seule façon que tu peux faire pour sauver ton identité, c'est faire appel à tes valeurs culturelles. Et à ce moment-là, je me suis dit à moi-même, je peux prouver à moi-même que je peux être un scientifique sans exclure mon côté culturel. Je peux être scientifique, caboclo, du certain, avec beaucoup de fierté. Et c'est à partir de là que je me suis donné toujours cette mission de toutes les choses que j'allais faire, toutes les études, d'inclure la culture comme une valeur. Alors j'ai fait en France, j'ai fait la psychiatrie, j'ai fait mon doctorat en anthropologie, j'ai fait l'ethnopsychiatrie, psychanalyse avec Georges Devreux, l'ethnomédecine, ma thèse de doctorat d'anthropologie, c'était le système des croyances et pratiques médicales au nord-est du Brésil. Donc c'est pour cela que j'ai commencé un peu ce travail que je fais à niveau dans les communautés au Brésil. Tu as été déchiré par cette culture traditionnelle et la culture moderne? Tout à fait, sans exclure, parce que dans ces deux univers où j'ai vécu, tous les deux fonctionnaient pareil, on excluait le différent. Donc là, je dis non, on peut agréer. Pourquoi substituer une découverte ou un savoir pour un autre? Un savoir, c'est un savoir qui a été construit dans un contexte. Du coup, on reçoit une autre, on agrège. Il s'agit d'agréer des valeurs et pas d'éliminer l'un ou l'autre. Tu es un des seuls à pouvoir promouvoir ces sciences traditionnelles? Je pense qu'il existe. De temps en temps, je rencontre comme ça, c'est intéressant. Dans des congrès, on rencontre des gens qui font presque la même chose que nous, sans que jamais on ait eu une connaissance et on a eu pu parler. Je pense qu'il y en a. Moi, je ne fais pas un souci de faire école. Je pense que chaque époque a ses problèmes et a ses solutions. Et les acteurs vont apparaître au fur et à mesure. Donc, je ne fais pas tellement attention à ça en disant ben, il faut faire une école, il faut faire ceci. Non, je pense qu'il faut laisser les choses aller. Il faut faire confiance dans l'avenir. Dans mon époque, j'ai donné ma contribution au Brésil, dans mon université où je suis professeur. Donc, si maintenant on crée une autre chaire avec une autre thématique, qu'on le fasse. Je ne tiens pas à rester les choses en main, à avoir du contrôle, voir ça, je passe ces péchés-là. Tu es parvenu à synthétiser et appliquer les théories philosophiques, anthropologiques, les méthodes psychologiques et pédagogiques. Pourquoi la thérapie communautaire? Oui, tout d'abord parce que lorsque nous avons commencé ce travail dans cette favela, j'ai commencé en étant présent. Je suis arrivé, il y avait une trentaine de personnes qui voulaient tous un médicament psychotrope. D'abord, je n'avais pas de médicament à donner. Ça m'a obligé d'écouter. En écoutant, j'ai vu, et après les recherches ont prouvé, qu'il s'agissait beaucoup plus des souffrances à être accueillies que des pathologies à être traitées. Donc, de la même façon que l'hôpital soigne la maladie, et il y a des professionnels de santé qui peuvent intervenir, il fallait créer des espaces pour accueillir la souffrance, cette douleur de l'âme, le désespoir, la tristesse, qui n'est pas une maladie, ça fait partie de la condition humaine. Et lorsque je suis arrivé dans cette favela, en écoutant, je voyais qu'il ne s'agissait pas des médicaments à donner, ni faire des diagnostics, mais comment on peut accueillir cette souffrance, une mère de famille qui vient en angoisse, en pleurant parce que son fils, elle découvre que son fils est dans la drogue. Est-ce que cette mère a besoin d'une benzodiazépine? où elle a besoin d'une accolade, d'une écoute, d'un massage, de quelque chose. D'où est venue donc l'idée de créer des espaces, ce n'est pas des groupes, c'est des espaces de parole, en sachant, moi, comme j'ai eu une formation systémique, je sais que la communauté qui a des problèmes, elle a aussi ses propres solutions. On n'a pas besoin de venir comme sauveur de l'humanité pour régler ces problèmes. Ils sont là, il suffit qu'on soit là, attentif à éveiller ce qui est déjà là. Et on a commencé à faire ces réunions, on n'avait pas de nom au départ. Et à un moment donné, il a fallu bien nommer. Bon, 6 ans après, je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, on a vu, donc on a appelé thérapie communautaire. Pourquoi thérapie? Parce que le terme thérapie, qui vient du grec thérapeia, ça veut dire accueillir chaleureusement. Le même préfixe de terre et talme, en grec, ça veut dire chaud. Alors, qu'est-ce que c'est thérapie? Accueillir de façon chaleureuse. Mais qui va accueillir? La communauté. Alors, thérapie communautaire, c'est la communauté qui accueille chaleureusement l'autre, sans le juger, avec les ressources dont elle dispose. Donc, c'est pour cela que nous avons appelé thérapie communautaire. Et pourquoi communautaire? Parce que ce sont quelque chose qui a, des gens qui ont quelque chose en commun, unité. Ça peut être souffrance, abandon, exclusion, cherche d'emploi. C'est ça qui fait une communauté. Ce n'est pas le même sens qu'ici en Europe, on parle de communauté arabe, comme des juifs, comme ça, qui en général sont des groupes fermés entre eux. Là, non, c'est ouvert. En France, donc, lorsqu'on est venu, aujourd'hui nous sommes présents en 19 pays. Ici en Europe, il y a 7 pays où se développe cette méthodologie. Ici, on a changé un peu de nom, on a mis espace d'écoute, de parole et de lien. Parce que la thérapie communautaire, ce n'est pas pour traiter des gens, ils ne sont pas malades. C'est pour accueillir chaleureusement les histoires de vie. Donc il s'agit d'un espace de partage des vécus. Ce n'est pas un espace où on va dogmatiser, où on va faire passer une idéologie. C'est un espace qui a un cadre des règles, pas de jugement, pas d'analyse, pas de conseils. Et où on peut écouter sans juger l'autre, avec les recours qu'on dispose. Nous savons, en de présupposé de la thérapie communautaire, que n'importe quelle personne, même si elle ne sait pas, en dépendant de son niveau socio-économique, culturel, il a un savoir qui peut être utile aux autres. C'est-à-dire, je peux aimer parce que j'ai reçu beaucoup d'amour, mais je peux aimer parce que j'étais rejeté. C'est-à-dire, la carence génère de la compétence. Et que l'académie, l'université, n'a pas l'hégémonie de la production de la connaissance. Le monde académique produit des connaissances très très importantes, mais n'est pas la seule. L'expérience de vie aussi. La réalité, c'est une université. On apprend, chaque fois qu'une personne dépasse un problème, elle construit un savoir. Et c'est dans la thérapie communautaire, dans ces espaces d'écoute, parole, lien, qu'on fait le partage, sans jugement, sans conseil, où chacun parle de soi à partir d'une situation problème qui a été présentée par le groupe. Par exemple, si quelqu'un parle, par exemple, moi j'ai une insomnie, je n'arrive pas à dormir, je suis très mal. C'est-à-dire, au lieu de moi, psychiatre, prescrire un psychotrope, je demande aux autres qui de nous a vécu une insomnie grave et qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Alors, il y a un qui dit, moi, je trouvais une tisane qui était faite dans le passé, etc. et qui est très bien, il donne la recette. Un autre dit, pour moi, les tisanes ne marchent pas. Moi, c'est marcher. Le jour que je ne marche pas, je dors mal. Un autre dit, c'est lire. Un autre dit, c'est rigoler. Je ris. Le jour que je ne ris pas, je dors mal. Et un autre, moi, c'est aller dans un culte, c'est fait ceci, c'est fait cela. Donc, à partir d'un problème amené par le groupe, on fait appel au groupe, il y a une quinzaine d'options qui émergent du groupe. Et la personne qui est venue avec son insomnie, elle va choisir ce qui lui convient le plus. Tisane, lire, marcher, chanter, faire ceci, faire cela. Donc, c'est toujours comme ça cet espace d'écoute, parole, lien, c'est juste c'est un moment de célébrer la vie et de partager nos expériences de vie. Et jamais un espace où on apprend les autres les choses qu'on sait. Non, c'est partager ce qu'on vit. Si vous venez à peine de nous rejoindre, vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES plus loin sage. L'idée aujourd'hui est de promouvoir la construction de réseaux de solidarité en mobilisant les ressources et les compétences de chacun pour améliorer notre qualité de vie. Christiane Fénéon, j'étais enseignante, donc j'ai toujours travaillé avec les enfants en difficulté scolaire. Pour un tas de raisons, donc j'étais pédagogie freinée, j'étais en lien avec des enseignants d'Amérique latine, du Brésil en particulier, je devais mourir, enfin bon, j'avais une tumeur osseuse, on me dit, donc j'avais promis d'aller voir ses amis au Brésil avant de mourir, donc je prends mon billet d'avion et je pars. Je vais voir mes amis et 48 heures avant que je quitte le Brésil, on me dit... « Ah non, mais tu ne peux pas partir comme ça. Demain, il y a une séance de thérapie communautaire à la favelle de Quatro Varas. Il faut vraiment que tu connaisses ça avant de partir. Toi qui voulais nous aider, eh ben, il faut vraiment que tu connaisses ça. » Bon, donc, c'est 9h du soir, tu téléphones au docteur Barreto. C'est un docteur, mais tu verras, il est sympa. Aucun problème, tu téléphones. Bon, alors je téléphone, et effectivement, pas de problème, il vient me chercher et je vais vivre ma première séance de thérapie communautaire à la favelle. Alors bien sûr, je comprends pas bien le portugais. Je suis bien à côté d'Adalberto qui me traduit en gros, mais finalement c'est pas si important que ça de comprendre les mots. Je dirais, il parle tellement avec les mains, il se passe tellement des choses dans le groupe où je sens une telle simplicité de partage déjà, simplicité de langage et écoute de l'autre dans ce qu'il dit, que ça, je me dis, ah ben voilà ce qu'il faudrait. Mes élèves en difficulté scolaire, si on arrivait à avoir ce partage, cette qualité de partage entre eux sur le vécu et non pas seulement sur les connaissances scolaires, et si on pouvait travailler ça avec les familles de ces enfants en difficulté, je suis sûre que ça changerait beaucoup de choses. Voilà, la pédagogie freinée, c'est bien, mais... Si je pouvais emporter cet élément-là, alors moi je le vivrais sans doute pas, parce que j'étais à quelques années de la retraite, je le vivrais sans doute pas, mais j'emporte ça en France, bon, pas seulement pour, bien sûr c'est mes élèves qui me révèlent et ces familles, mais des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, bon, et qui ne peuvent pas se payer, moi je suis d'une famille paysanne pauvre, c'est pas dans notre culture, donc se payer des séances de psychothérapie, bon, mais quand même ça, alors je dis pas que ça remplace le soin des pathologies graves, mais par rapport à la souffrance que je connais des gens qui se couffrent, ils sont en souffrance, ils sont pas malades de psychique, bon, ces gens-là, voilà un outil pour aider ces gens-là, et ça, eh ben je mourrais pas sans l'avoir fait connaître. Alors je rentre en disant, voilà, je pars. Oui, il faut que je laisse, mais à la fin de la séance, Adalberto me dit, quel message tu laisserais à ces gens ? J'ai écouté, le message que ce que je laisserais, c'est, vous êtes riches de ce dont nous sommes pauvres, et nous sommes peut-être riches, on peut peut-être vous apporter un peu d'argent par rapport, un certain nombre de choses qui nous aident, mais on a tellement à apprendre de vous, c'est ça que j'emporte, et ça, les images qu'on a des favelles en France est telle que je passerai le reste de mes jours, si je vais encore quelques temps, à témoigner de ce que vous m'avez appris. Les favelles existentielles, ça existe en France aussi. Et je pense qu'il y a encore plus... la misère en France est vécue à titre personnel. C'est moi qui n'ai pas su me débrouiller. Alors moi-même, je suis d'une famille pauvre, paysanne, pauvre. Je dirais, j'ai été très marquée par mon père quand j'étais à l'école primaire encore. Hein. Mon père était conseiller municipal. Mon père était ouvrier agricole. Et donc, il était élu par les ouvriers agricoles et les métayers. C'était en Saône-et-Loire, dans le Charolais. Donc, il y avait encore beaucoup à l'époque, beaucoup d'ouvriers agricoles et beaucoup de métayers qui vraiment vivaient chichement, hein, parce que Donc l'exploitation, je dis toujours, si je voilà. Pourquoi le Brésil et pas mes copains, ils partaient en coopération en Afrique à l'époque. Moi, je voulais partir au Brésil. Je n'ai jamais pensé à l'Afrique, ça ne m'intéressait pas. C'est le Brésil. Je dis, ben, je crois qu'au Brésil, j'ai rencontré les paysans qui crevaient de faim, pareil, qui n'avaient pas de terre. Je dirais, je l'ai vécu un peu dans mes tripes quand j'étais jeune. Et mon père donc, était connu comme le défenseur des pauvres dans le village. Il a été conseiller municipal toute sa vie. Jusqu'à sa mort, de 24 à 64 ans, il est mort à 64 ans d'une maladie de Kahler, donc dont je suis porteuse. Et donc j'avais 10 ans, mon père rentrait de réunion de conseil municipal en disant il faudra donc se battre toute sa vie pour que les petits aient le droit d'exister. C'est pas par hasard que je me suis retrouvée au Brésil, et c'est pas par hasard que je dirais. Donc ma joie, c'est quand même cette richesse familiale qui a été mon fil rouge, et qui, ben voilà, je mourrai, alors je ne sais pas quand. Moi, je m'étais donné comme mission de faire connaître, je pensais jamais que je serais un jour formatrice de thérapie communautaire, parce que ça me semblait d'abord, en disant, mais moi, je suis une enseignante pour les enfants en difficulté, je n'ai pas les capacités pour. Hein. Je dirais, moi-même, j'ai dû découvrir que mes compétences me venaient de mon enracinement familial et de ce que c'est le partage avec les autres qui m'a permis de vivre aussi. Et qu'aujourd'hui, partager la parole, enfin, ce qui me fait vivre, c'est ce que l'autre me renvoie et ce que j'apprends à partir de la vie de l'autre et inversement, en fait, dans la réciprocité continuelle. Et ça me tient en vie aujourd'hui encore. Dans les cercles de parole, chacun possède en soi les ressources et les avoirs tirés de son vécu et profitables aux autres. Quelles que soient ses conditions sociales et économiques, sa culture, sa situation ou ses difficultés. Nous allons retrouver le psychiatre Adalberto Barreto dans Message de vie. Ça me rappelle les cercles de parole pour alcooliques ou pour des gens dépendants. Quelle différence entre cette thérapie communautaire, bon, tu l'as appelée autrement en Europe, mais et ces cercles de parole qu'on connaît? Parce qu'il y a beaucoup de cercles de parole qui sont plutôt un espace de décharge, de catharsis, où on vient, où on vomit, on dit et les autres écoutent en silence, sans jugement. Dans la thérapie communautaire, il y a un cadre. Parce que comme pour éviter qu'il soit des espaces de manipulation et qu'il soit seulement un espace de catharsis où on vient pour vomir nos malheurs, mais on ne part avec rien. Là, j'essayais de créer un cadre où il y a un problème choisi. Par exemple, si c'est un père de famille dit « J'ai perdu l'espérance de faire mon fils sortir de la drogue. J'ai tout fait, mais j'ai perdu l'espérance. » Lorsque cet homme dit cette chose-là, il peut être un docteur PhD ou un SDF. Là, nous nous réunissons sur la même longueur d'onde. Alors, on demande aux gens qui sont là, qui de nous un jour a perdu l'espérance et qu'est-ce que je fais pour la retrouver? Ce n'est pas nécessairement centré sur la problématique, c'est sur le vécu, l'émotion. Alors, là, commence. Les gens disent, oui, j'ai perdu l'espérance de trouver un travail. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vous... Il raconte. Moi, j'ai perdu l'espérance, par exemple, de me marier. Et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, émergent des stratégies des gens qui, en face d'un problème, trouvent là une créativité géniale. Donc, il s'agit beaucoup plus de susciter une pluralité qui permet à tout le monde de se rencontrer sans jamais essayer de faire une synthèse, parce que toute tentative de recherche d'unité, ça déclenche la guerre, le conflit. Non. On finit une ronde en disant « Quelle richesse pour un problème, 15 possibilités à nous de choisir. » Donc, c'est dans ce sens-là cet espace d'écoute, de paroles, de liens, on vient partager des vécus. On vient sans imposer à personne, on peut rentrer quand on veut, sortir quand on veut. C'est un espace ouvert. Et tu as vu des résultats? Quels sont les résultats de toutes ces expériences? Qu'est-ce que deviennent ces personnes après, dans le long terme? Oui. Au départ, donc, après nous avons fait des recherches, nous avons vu que 88,5% des gens qui venaient dans le centre de santé à la recherche d'un médicament pour ces souffrances psychiatriques, c'était que de la souffrance. À peine 11,2% vraiment avaient besoin d'être vus par un spécialiste. Donc, une démédicalisation de la souffrance. Parce que la tendance actuelle, c'est qu'on médicalise tout. C'est une personne qui a un trouble. Ah, on donne une étiquette et on médicalise. Mais la souffrance, on ne peut pas soigner par des médicaments. La souffrance, il faut faire la thérapie. Mais pas nécessairement que des thérapies individuelles. Malheureusement, aujourd'hui, encore, nos universités forment une personne pour recevoir une autre, un traitement individuel. Il y a tellement de gens à voir et à soigner qu'il faut que d'autres professionnels créent, je dirais, des dynamiques de groupe. Nous avons une qui sont un peu anciennes, qui sont encore valables, mais il faut créer, il faut avoir cette préoccupation de trouver des outils qui travaillent avec de grands groupes. La thérapie communautaire nous permet de faire des séances avec 250 personnes, 300 personnes, et ça marche très bien. Parce que les cadres, pas d'analyse, pas d'interprétation, les gens parlent en jeu, il n'y a pas de conflit, et l'objectif, c'est créer des liens entre les gens. Ce n'est pas pour soigner des gens, ils ne sont pas malades. Ils sont là, nous avons un proverbe brésilien qui dit « Lorsque la bouche se tait, les organes parlent. Et lorsque la bouche parle, les organes guérissent. » Donc c'est un espace qu'on parle avec la bouche pour ne pas tomber malade, pour ne pas médicaliser et pour chercher plus d'autonomie. Donc ça, c'était déjà un grand acquis de ne pas médicaliser pour générer encore d'autres choses. L'autre, c'est qu'on voit que les gens deviennent plus autonomes, moins dépendants des psychiatres, moins dépendants des médicaments et moins dépendants des institutions spécialisées. Ça, ça fait une grande économie. C'est-à-dire, ce qu'une institution dépense à niveau du psychotroque, c'est énorme. Donc, ça, c'était les grands résultats. Et d'autres, des gens qui viennent dans ces rondes, elles deviennent personnes ressources. Elles ont été guéries, elles sont bien, et elles commencent à amener des gens. Et nous prenons ces gens-là, nous avons donné des formations pour qu'ils fassent ça dans leur communauté. Donc, ça fait un effet multiplicateur. Et ils sont géniaux. Donc, c'est aider aux gens qui aident. Ici, là, un peu de l'idée de père aidant, c'est-à-dire de former des gens ou de bénévoles, chez nous c'est des bénévoles, qui reçoivent cette formation pour commencer à travailler dans des communautés d'une façon indépendante. C'est ça qui... Pour nous, le grand résultat, c'est de créer une dynamique d'autonomisation, d'utilisation des ressources qui sont là dans la communauté, des personnes ressources qui commencent à rentrer dans un mouvement. C'est pour cela que nous n'avons pas créé un centre de formation. Nous avons créé mouvement intégré des santé mentale communautaire. Si les gens qui viennent nous voir sont intéressés de le faire, on dit faites votre mouvement avec votre visage. Donc au Brésil, nous avons 46 centres de formation qui sont des mouvements. C'est pas centre, c'est des mouvements. Le mouvement intégré de santé mentale de ma région, Ceará, le mouvement de santé mentale communautaire de Brasilia, de São Paulo, etc., de l'Amérique latine, donc c'est des mouvements. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des mouvements, que les gens puissent avoir une autonomie de créer, d'ajouter, de modifier en fonction des contextes qui sont aussi divers. Comment la thérapie communautaire est-elle arrivée à prendre une place dans les services de psychiatrie ? Pour combler un vide dans les rapports humains et de démédicaliser la souffrance en exprimant les mots par la parole. Vous écoutez Message de vie, MES plus loin sage. Si vous venez à peine de nous rejoindre. La thérapie communautaire, c'est inscrite dans l'offre de soins au sein du service de psychiatrie à Mulhouse, à savoir pas en première intention, de plus en plus de gens appellent ou viennent pour prendre rendez-vous avec un psychiatre. Il y a 6 semaines, 2 mois d'attente, selon l'urgence, bien sûr. Et les gens sont adressés en CMP, en centre médico-psychologique, au centre thérapeutique d'accueil temps partiel, le CATTP, pour participer à un groupe de parole. Ça commence, c'est, bon, comme l'a dit Alberto, une alternative à la médicalisation de la souffrance pour des gens qui sont capables de faire l'effort que de venir. Parce que tu remarques que c'est dans cette médecine conventionnelle, il y a une limite. Ah, mais pour travailler depuis 35 ans en psychiatrie, je trouve qu'il y a une sacrée médicalisation de la souffrance, effectivement. Les préconisations qu'on fait aux médecins généralistes tous les ans, que fait l'HAS, c'est au bout de 15 jours, si la personne pleure, ne dort pas, etc., etc., c'est un deuil pathologique, donc il faut donner une médication quelconque. Ouais. Et puis la réponse chimique, vraiment, on va en parler pendant des heures. Moi, je suis infirmier, au départ, infirmier psychiatrique. C'est-à-dire que c'est une formation qui n'existe plus, cette formation depuis 92. Pour te dire, c'est-à-dire que je peux faire une injection un schizophrène, mais mon diplôme n'a pas de validité dans un autre service. Je peux faire une prise de sang à un schizophrène, mais pas à toi si tu hospitalises un autre service. Ce qui veut dire que quoi ? Mon diplôme, c'est un sous-diplôme ou le patient schizophrène est un sous-malade ? Je crois que là, il y a matière à se poser quelques questions. La thérapie communautaire a vu le jour il y a 23 ans au Brésil. Le psychiatre Adalberto Barreto nous expose ici les 9 valeurs sur lesquelles repose son succès. Accueillir, simplicité du langage, apprendre de l'autre et le voir comme une ressource et non pas comme un problème. Quelles sont les valeurs que tu as mis dans ce concept de thérapie communautaire ? Elle repose davantage sur une posture que sur une méthode, même s'il y a des étapes, plus ou moins, dans le travail du groupe. C'est plutôt, nous avons identifié et 9 valeurs. Le premier, c'est accueillir. C'est toujours accueillir, parce qu'on est dans une société d'exclusion. Ah, tu ne peux pas. Ah, non. Il faut fermer il faut construire des murs. Faire de telle sorte que nos frontières soient protégées. Donc, d'abord, s'accueillir soi-même. Le deuxième, c'est la simplicité. Je pense qu'on a besoin de revenir à la simplicité du langage, de la posture. Avec les formations qu'on fait, c'est vraiment, on commence à avoir un langage tellement inaccessible que c'est très difficile de faire passer la communication. Donc, revenir à la simplicité du langage, parler simple pour que les gens comprennent, de la posture, et se libérer de la place du spécialiste qui sait, pour accepter à apprendre avec l'autre. Donc, c'est cette simplicité. La troisième valeur, c'est la circularité, l'horizontalité. Donc, l'expérience d'une personne est aussi importante que celle de l'autre. Il n'y a pas une plus importante que l'autre. Il n'y a pas un savoir supérieur à l'autre, mais du savoir partagé. Pas du sachant, ni d'apprenant, mais un savoir collectif. Dans nos thérapies communautaires, ceux qui en général écoutent, qui sont le peuple, ils ont droit à la parole et nous, les spécialistes qui parlons, à nous de nous taire pour écouter. Donc, cette circularité. Et la circularité ou l'horizontalité dans nos relations, c'est donner, c'est partager ce qu'on a, sans rien attendre en retour et recevoir sans se sentir en dette. La quatrième valeur, c'est valoriser le ressenti, les émotions, assez souvent écartées de la relation d'aide, comme si c'était quelque chose qui posait des problèmes. Ce n'est pas l'émotion en soi, c'est le manque de contrôle, c'est l'excès. Donc, c'est à partir du ressenti de la personne que nous commençons la réflexion. Et pas nécessairement de l'événement. Donc, ce n'est pas l'événement qui engendre les traumas. C'est la lecture que la personne fait de cet événement. Donc, c'est jamais les événements qui font les gens souffrir, c'est l'idée qu'elles s'en font et leur façon de les vivre, de les ressentir. Donc, le cinquième valeur, c'est l'audace. Il faut oser. Il faut transgresser. Et on pense toujours dans la transgression comme quelque chose de négatif. Mais là, la transgression positive, c'est oser créer. Sinon, on ne peut jamais créer. On sera toujours dans la répétition. Le sixième, c'est générer des doutes dans les certitudes. Pourquoi? Parce que toute certitude, c'est une prison. Si je suis sûr des choses, je me ferme aux autres. Je ne vais pas entendre parler. Je ne vais pas perdre mon temps parce que je sais, vous ne savez pas. Donc, on vient y apporter le doute dans les questionnements, introduit par des questions les différentes options de prendre la réalité, à créer un climat de sécurité pour poser des questions en toute sécurité, à proposer des jeux, des métacommunications, des musiques, à valoriser la conscience critique, c'est-à-dire plusieurs réponses à une question et sortie de cette conscience ingénue, une seule réponse pour une question. Non, il faut sortir de cette unité pour chercher la pluralité. La bonne question, c'est celle qui fait ébranler les certitudes. Et dans le ronde, dans ces espaces d'écoute, parole et lien, on pose des questions pour générer le doute. Si génère le doute, alors ça déclenche un processus d'ouverture et de changement. Septième, voir l'autre comme une ressource, avec humilité. Parce que nous avons un modèle qui a tendance de voir l'autre comme un problème et moi, j'ai la solution. L'autre, c'est quelqu'un qui doit faire ce que l'expert dit. Donc, l'humus est terre fertile qui sera fécondée par les graines semées par les autres. L'humilité ne doit pas être confondue avec la soumission. Ce n'est pas ça qu'on veut. Pour que chacun puisse bénéficier de ces ressources de tous, il faut laisser de la place et du silence, valoriser la présence des participants, accueillir les différences comme des cadeaux et l'altérité comme un miroir qui suscite des résonances favorisant la connaissance de soi. Avec plaisir, apprendre de l'autre, de se laisser bousculer par l'inattendu. Donc, l'autre peut nous apprendre quelque chose, n'est toujours. Il n'y a pas de petite différence. Seulement des différences qui entraînent des différences. Donc, dès que je vois l'autre comme une ressource, il est un partenaire et pas un malade, un client, un objet de mon intervention. De la même façon que j'apprends de lui, qu'il apprend de moi, le travail ensemble, c'est voir l'autre qui peut s'ajouter et agréer des valeurs. L'huitième valeur, c'est accepter l'imprévu. Nous qui venons des institutions, surtout du monde académique, on ne commence un travail que lorsque tout est prévu. L'argent, l'action, les calendriers, tous les gens, là, on commence. Dans ces espaces d'exclusion, les gens ne sont pas maîtres de leur temps. Donc l'imprévu, parfois on arrive pour faire un travail, la porte est fermée. On pourrait dire, ah, la porte est fermée, il n'y aura pas le cours. On fait le cours sur un arbre, on fait quelque chose. Donc, le travail communautaire est basé sur l'imprévisibilité. C'est l'imprévu. Et ça, c'est quelque chose qui nous questionne, nous qui venons avec tout ce cadre bien préparé. Parfois, on a fait un projet, ça ne marche pas. Il faut changer. Alors, on est un peu comme ça. Comment ils ont pu démystifier les participants, le médecin, le psychiatre que tu es? Parce qu'eux aussi ont un idéal. On se dit qu'un psychiatre est là pour nous aider. Il a une parole sacrée. Comment ils ont pu démystifier? Qu'est-ce que tu as fait comme travail? Bon, d'abord, je les ai aidés à le faire en ne pas acceptant cette projection sur moi. Lorsque je suis arrivé la première fois dans cet espace-là, que ces 30 personnes étaient tous rassemblées, et je demandais, pourquoi vous êtes là? Ah, nous sommes ici, nous sommes venus chercher un médicament. Pourquoi faire? Pour les insomnies, pour la dépression. J'ai dit, ah, ça tombe bien parce que je suis aussi venu me soigner, moi et mes élèves. Alors, ils ont regardé un peu comme ça, en disant, mais vous êtes tellement beau, la peau tranquille, ces étudiants semblent bien portants. Quelle est votre maladie? J'ai dit, est-ce que vous êtes content des médecins que vous avez? Non, pourquoi pas? Parce qu'ils ne nous écoutent pas, ils sont toujours très pressés, ils sont toujours en train de prescrire des médicaments. J'ai dit, voilà, moi aussi je ne suis pas content des médecins qui sont là. C'est pour cela que j'ai apporté mes élèves. On est ici, moi je suis ici pour moi. Je suis venu me soigner. Alors, mais quelle est votre maladie? Je dis, je suis venu me soigner de mon aliénation universitaire. J'ai besoin de ça. Donc, pourquoi je suis là? Ce n'est pas parce que je suis charitable, je vais gagner le ciel après la mort. Non, je suis beaucoup plus préoccupé d'éviter l'enfer dans cette vie-là. Ce n'est pas parce que je suis un homme politique, après je vais demander des votes pour me présenter aux élections. Non, je n'ai pas vocation politique. Donc je suis rien ici pour moi. Je suis bénéficiaire. Et j'espère que chacun vienne ici pour soi-même et découvre que la meilleure façon de régler son problème à soi, c'est dans une relation de communication avec les autres. Donc moi, j'ai placé bien les bases. Donc je suis là comme chacun parmi vous. Et il y a la neuvième valeur de la thérapie communautaire, c'est l'humour, avec amour. On oublie que l'humour, c'est une ressource culturelle indispensable dans tout le travail de groupe. Travailler avec l'humour, il stimule le néocortex. Et le cortex stimulé, on commence à penser. On commence à être protagoniste. Et lorsqu'il il commence à être stimulé, ça réduit les tensions, les émotions fortes qui bloquent l'accès au néocortex. C'est pour cela que dans ces espaces d'écoute parolien, on chante, on raconte des blagues. Donc on sort de ce modèle qui croit que pour qu'une thérapie soit vraiment profonde, il faut que ça soit longue, qu'on pleure, qu'il y ait un peu des visages trop sérieux. Non, on peut, dans l'humour, faire de telle sorte que cet espace de parole, d'échange, des choses bien difficiles, du coup, on commence à voir que le tragique devient comique. Et lorsqu'on commence à rire de nous-mêmes, des bêtises, des choses qu'on a fait, ça veut dire qu'on a déjà dépassé. On a accepté notre humanité. Il ne faut pas être parfait. Nous sommes des humains limités. Voilà, c'est ça. Mais tu as fait tes expériences dans les favelas, et en plus dans le Sertão, une des régions les plus pauvres du Brésil. Donc l'humour, par exemple, est beaucoup plus simple chez les pauvres et peut fonctionner aussi chez les gens aisés. Oui, je t'ai interpellé par un journaliste suisse qui m'a dit comment une chose qui est née dans une favela peut fonctionner ici en Suisse, à Genève, qui marche là-bas. Je dis, au Brésil, ce qui déshumanise les gens, c'est la misère matérielle. Et en Europe, ce qui déshumanise les relations, c'est la misère affective. Nous sommes tous dans le même bateau. Oh, il y a dans le même océan, tous les bateaux sont là. S'il y a un qui va s'incendier, prendre du feu, bientôt les autres prendront aussi. Donc on est sur la même mer. S'il y a un bateau qui s'écroule, c'est vrai que les survivants vont venir vers le mien. Alors autant ne pas attendre, se défendre de ceux qui vont venir, parce que s'il y a trop de bateaux qui coulent, bientôt la majorité va prendre mon bateau à moi. Donc il faut cette conscience collective. La thérapie communautaire s'inscrit dans les domaines d'intervention sociale et d'intérêt collectif. Sa pratique s'adapte et se module en fonction des contextes et des lieux. Maisons de quartier, centres hospitaliers, les institutions et les associations médico-sociales, ou dans le cas de violences conjugales, personnes malades ou personnes isolées. En vous rapprochant du site de Quarto Varas, vous en saurez davantage. quartovaras.com.br. Le siège social se situe à Grenoble. Les ouvrages Itinéraire d'un psychiatre brésilien, L'Indien qui est en moi, aux éditions Descartes, est un récit romanesque de la vie et du parcours du professeur de médecine Adalberto Barreto. Et le second ouvrage, La thérapie communautaire, pas à pas, aux éditions d'Angle. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES plus loin sage. Ciao.